Une semaine consacrée à l'histoire de la prostitution au 19e siècle dans la Fabrique de l'Histoire. Aujourd'hui, nous visitons la grande exposition qui vient d'ouvrir sur ce thème au Musée d'Orsay à Paris, Splendeur et Misère. Après avoir reçu lundi l'historienne Gabrielle Houbre qui nous a expliqué comment ce champ de recherche sur la prostitution a été profondément renouvelé dans ces dernières années, puis nous être promené hier en compagnie de Lola González-Quirano dans le Paris de la prostitution du Palais Royal à la place Saint-Georges, et avant demain de nous interroger sur les combattants du 19e siècle contre la prostitution, nous allons ce matin nous plonger dans les représentations de cette même prostitution dans l'art, la peinture, la photographie et le cinéma récemment inventé au 19e siècle. Nous allons visiter la très belle exposition Splendeur et Misère qui vient d'ouvrir au Musée d'Orsay en compagnie de Cyril Niattard qui a préparé cette semaine avec nous et des deux commissaires Marie Robert et Isolde Pludermacher. Troisième temps de notre semaine de la Fabrique de l'Histoire avec vous, Cyril Niattard, bonjour. Bonjour. Sur la prostitution au 19e siècle, et nous sommes dans l'exposition, dont on peut dire que c'est l'exposition qui est le prétexte à cette semaine d'une certaine façon, parce que c'est une exposition qui vient d'ouvrir au Musée d'Orsay, qui s'appelle Splendeur et Misère. Il n'y a pas les courtisanes en l'occurrence, Isolde Pludermacher. Non, en effet, on a emprunté le titre à Balzac, mais en s'interrompant à Misère, d'une part parce que nous ne parlons pas que des courtisanes et que le roman de Balzac se situe en amont de la période que nous traitons. Cette période, c'est de quand à quand à peu près ? De 1850 à 1910. Et nous sommes également en compagnie de Marie Robert. Bonjour Marie Robert. Bonjour. Vous êtes conservateur ici aussi au Musée d'Orsay et plus particulièrement sur la photographie. Absolument. Et donc vous interviendrez un peu plus tard dans cette émission puisqu'il y a une section photographique importante dans cette exposition du Musée d'Orsay. Alors peut-être que faut-il dire déjà Séverine sur cette ouverture, ce début, cette première salle dans laquelle nous nous trouvons qui s'appelle Ambiguïté. Ou peut-être aussi pour commencer, pourquoi avoir fait une exposition sur ce sujet ? Oui, c'est la première exposition consacrée à la prostitution dans toutes les acceptions que peut revêtir le terme à cette époque, au XIXe siècle. La maison close, les maisons de tolérance avaient déjà fait l'objet d'expositions, mais l'ambition de notre exposition est vraiment de montrer la prostitution sous toutes ses formes, son caractère kaléidoscopique qui va de l'espace public à la maison de tolérance et jusqu'aux courtisanes. Ce qui est très étonnant, c'est que en parcourant cette exposition, pour préparer cette émission, on s'est aperçu avec Séverine Niattard de la prolifération de ces représentations. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans un musée du 19e siècle et que, évidemment, vous privilégiez cette période-là pour, avec les tableaux, les photographies, même les premiers films qui traitent de cette question-là ? Ou est-ce que c'est une sorte de brusque surgissement des représentations de la prostitution à ce moment-là ? Où y en a-t-il beaucoup, à la fin du XVIIIe siècle, etc., etc. À la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, il y a beaucoup de représentations de la prostitution, mais plutôt dans le domaine de la caricature ou de l'illustration. La véritable nouveauté dans la période qui nous intéresse, c'est le surgissement de ce thème dans la peinture, sous différentes formes. Dans cette première salle consacrée à l'ambiguïté et à l'espace public, ce sont des scènes qui, aujourd'hui, lorsqu'on les regarde, n'évoquent pas spontanément le monde de la prostitution, qui sont très codées, où il y a des indices qu'il faut savoir décrypter, mais qui, pour le regardeur du contemporain, du XIXe siècle, étaient tout à fait perceptibles. Donc la prostitution devient un sujet essentiel dans la seconde moitié du siècle, notamment pour la constitution d'un art moderne. Et ce n'est pas un hasard si Charles Baudelaire, dans son Peintre de la vie moderne, appelle les artistes à s'intéresser au bas-fond et notamment à l'image variée de la beauté interlope. Par exemple, nous sommes devant le James Tissot, la demoiselle de magasin. En quoi ça évoque justement une figure de prostituée ? Les tableaux que l'on montre, on propose une lecture qui n'est évidemment pas la seule lecture possible, mais qui vient s'ajouter à d'autres lectures du tableau. Donc nous avons voulu restituer ce climat d'ambiguïté dans l'espace public de jour qui fait que pour les contemporains, lorsque dans la foule qui se pressait dans l'espace public, les femmes dites honnêtes se mélangeaient avec les prostituées clandestines ou les prostituées en carte. Et c'est ce mélange, cette ambiguïté, cette impossibilité à discerner une femme honnête d'une prostituée qui intéresse les artistes, du moins dans cette salle, c'est ce que nous avons voulu montrer. Devant ce tableau de Tissot, la demoiselle de magasin, nous sommes à l'intérieur d'un magasin, une jeune femme ouvre la porte et derrière la vitrine de ce magasin, on voit un homme en chapeau haute forme qui échange un regard avec une demoiselle de magasin en train d'arranger la vitrine et ce regard en dit long sur la possibilité d'une rencontre vénale à la sortie du magasin. D'ailleurs, la jeune fille qui nous regarde est en robe très stricte, avec un petit col romain ou une sorte de col Claudine. Néanmoins, elle nous regarde de façon un peu libre, avec un visage poupin. Elle est plutôt jeune et elle est dans un magasin de rubans et de tissus, c'est cela ? Oui, tout à fait. En effet, le regard et le sourire sont des indices très forts de moralité dans les tableaux à l'époque. Et d'ailleurs, les commentateurs, les critiques s'appuyaient souvent sur ces indices-là pour dire qu'un tableau était conforme à la morale ou pas. Dans ce cas précis, voilà, c'est une interprétation que l'on propose. On sait que beaucoup de demoiselles de magasins, de jeunes personnes qui travaillaient dans le milieu de la mode ou du linge, percevaient des appointements souvent trop négligeables pour pouvoir leur assurer un bon niveau de vie et que certaines étaient contraintes à se prostituer. On sait aussi qu'il existait des boutiques dites à surprise qui étaient en fait des boutiques prétextes où le client entrait et pouvait être conduit à l'arrière-boutique où avaient lieu les relations sexuelles. Et on a comme ça des récits notamment de Gustave Massé, chef de la police parisienne, qui raconte que certains touristes se font prendre, enfin ils rentrent en voulant acheter en toute bonne foi des articles de mode et quelle n'est pas la stupéfaction des vendeuses de découvrir que le client est venu pour acheter un article et non pas pour avoir une relation tarifée. Oui, et d'ailleurs tous les tableaux qui sont dans cette première salle, cette exposition Splendeur et Misère ici au musée d'Orsay, jouent sur cette ambiguïté. On voit un très beau petit Boldini ou une fille court avec en remontant ses jupes donc dans la rue, il y a un fiacre derrière, elle a un bracelet de fleurs, un bouquet de fleurs à la main. Et on n'est pas obligé d'y voir dans cette scène de rue, d'une certaine façon, une scène qui pourrait rappeler la question de la prostitution, pas plus que cette lingère qui est à côté, affalée sur un banc, fatiguée en l'occurrence, et sur la personne de laquelle se tourne le regard de deux hommes qui ont dépassé son banc, mais qui, par ce regard, laissent entendre qu'il pourrait y avoir un commerce tarifé, Isolde Ploudin-Maraire. Oui, en effet, le regard est un regard scrutateur. Les femmes issues notamment du monde ouvrier et des petits métiers pouvaient être amenées à se prostituer occasionnellement. Et c'est ce que, à notre sens, laisse suggérer cette toile de Boldini. De Damien Bouvray, pardon, pour la blanchisseuse. Et Boldini, en effet, c'est cette femme qui traverse la rue en retroussant son jupon. Donc ça, c'est justement un des indices caractéristiques qui permettent d'identifier la prostituée dans l'espace public le jour. On voit un homme qui se retourne dans son fiacre après son passage. Et ces indices que nous avons collectés, nous avons pu les collecter notamment grâce à l'illustration et aux images imprimées qui appuient justement ces indices jusqu'à l'exagération et nous permettent de pouvoir lire différemment les tableaux. C'est ainsi de ce petit valoton, très petit bois gravé de valoton, où on voit deux jeunes femmes arrêtées devant une vitrine éclairée. C'est la nuit et dans l'ombre de la vitrine se tient un homme à chapeau haute forme. On n'en voit quasiment que le visage et il regarde ses filles en disant « La voulez-vous cette belle broche ?» Donc vous déduisez de cette caricature de l'assiette au beurre qu'il y a là le début d'une transaction entre les jeunes filles qui voudraient bien se payer ce petit bijou peu cher et cet homme bien habillé qui va leur offrir la possibilité de le faire. Oui, parce que nous avons pu mettre en relation cette gravure de Valoton pour l'assiette au beurre avec une quantité pléthorique d'autres images parues notamment dans le Gil Blas illustré. Et c'est vraiment un topos dans ces images imprimées que celui de jeunes filles avec un petit panier au bras, celle qu'on appelle les trottins. On en voit d'ailleurs un exemple juste à côté avec le Toulouse-Lautrec, le petit trottin, qui, à la sortie de l'atelier, rêve devant les vitrines où sont étalés des produits plus ou moins luxueux. Là, c'est particulièrement cynique puisqu'il s'agit de bijoux d'imitation, fantaisie. De bijoux fantaisie. Et on voit souvent cette silhouette masculine tapie dans l'ombre qui surgit et qui se propose de dévoyer des très jeunes filles moyennant une relation tarifée. Alors, il y a des endroits. Là, nous sommes dans le domaine de la rue. Vous l'avez voulu comme tel, à part cette boutique décrite par Tissot. Mais si on se déplace dans la deuxième partie de cette première salle, dans ce que vous avez encore appelé une salle sur les ambiguïtés, on se trouve face à plusieurs œuvres de très grands peintres, des Degas, des Van Gogh, des Manet. Toutes ces œuvres-là évoquent ces femmes seules au bistrot. Alors, la femme seule au café est vraiment identifiée à l'époque comme étant une femme de mauvaise vie, puisque le café était interdit aux femmes honnêtes, non accompagnées, a fortiori si c'était pour y boire de l'alcool et y fumer une cigarette. Donc, à l'heure qu'on appelle alors l'heure de l'absinthe, il y a un phénomène qui est très fréquemment décrit dans la littérature, notamment, à savoir les prostituées qui commencent leur travail en étant assises seules, attablées derrière un verre d'alcool. Et nous avons en effet pu réunir un magnifique triptyque avec la prune de Manet qui provient de la National Gallery de Washington, l'absinthe de Degas de nos propres collections et Agostina Segatori de Van Gogh du musée Van Gogh. Et d'ailleurs dans la prune et l'absinthe, il se pourrait que le modèle féminin soit le même. On a aussi un très beau pastel de Degas montrant des femmes à la terrasse d'un café. Les terrasses étaient des endroits particulièrement stratégiques à la tombée du jour et durant la nuit, puisqu'elles étaient éclairées, elles permettaient aux femmes d'être vues à la fois de l'extérieur et depuis l'intérieur de l'établissement. Et là, on voit cette réunion de prostituées qui se signalent par leurs vêtements assez voyants, les chapeaux qu'elles portent avec des fleurs aux couleurs assez criardes. Et l'une d'entre elles, au centre, fait un geste de la main. Elle met l'ongle sous la dent. On a l'impression qu'elle dit pas seulement ça, comme si elle s'était fait rouler par un client et qu'elle le racontait à ses amis. En tous les cas, Isolde Plüdermacher, ces figures de prostituées, l'absinthe, la prune, ou même ces femmes à la terrasse d'un café, elles ne sont pas dans la même posture que la salle précédente, souriante, joyeuse. Là, on a plutôt une représentation un peu mélancolique. Il y a une certaine tristesse aussi, avant la prise du travail, avant... Oui, en effet, l'alcool n'y est pas pour rien, puisque le monde de la prostitution est vraiment irrigué par l'alcool. Hein. Alors, pour les catégories les plus basses, les catégories sociales les plus basses, c'est l'absinthe ou des alcools forts. Pour les courtisanes, il s'agit du champagne. Mais souvent, ce mélange de solitude, d'attente et d'alcool génère des postures de prostration, un regard mélancolique ou vague. Et c'est en effet ce genre d'image que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans la salle consacrée aux maisons closes, avec ce rassemblement de pensionnaires en attendant le client qui relâchent complètement leur corps et qui semblent avoir le regard perdu dans le vide, dans le néant. C'est une des questions qu'on s'est posées avec Séverine Yatard en préparant cette émission. À quoi servent pour les peintres de l'époque ces prostituées? Qu'est-ce qu'ils veulent dire à travers elles? Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer une sorte de condamnation morale dans les œuvres de Degas, de Van Gogh ou de ceux qui sont là, ou d'Edouard Manet? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une empathie, un portrait plutôt chaleureux de ces femmes qui sont obligées de vendre leur charme aux clients des boulevards? C'est une question absolument essentielle, mais pour laquelle nous n'avons pas forcément la réponse, puisque rares sont les écrits, les témoignages des artistes eux-mêmes sur leurs œuvres. Et en effet, c'est à nous, spectateurs, historiens de l'art, d'essayer de retisser l'histoire autour de ces tableaux. C'est vrai qu'entre le tableau de Manet et le tableau de Degas, qui représente peut-être le même modèle, on a quand même un climat très différent. Degas donne l'image d'une femme prostrée, un peu hébétée, alors que Manet, sa jeune femme est quand même plus élégante, plus mélancolique. Mais c'est une question absolument cruciale et on peut se demander en effet si notamment la figure de la prostituée n'est pas aussi un miroir de la figure de l'artiste. La prostituée, c'est une figure des marges de la société. Son corps est objet de plaisir public et on peut faire le parallèle avec les œuvres d'art finalement. Et puis surtout, je pense qu'à travers ces représentations, il y a aussi un enjeu de modernité qui est très important, puisque ces scènes de femmes seules à un café renvoient à une réalité contemporaine et permettent de renouveler aussi les sujets de la peinture. On avance, si vous voulez bien, Isoplone Maher, et on va s'avancer en compagnie de Marie Robert vers des salles où on trouvera un peu de photographie peut-être déjà, avec une citation de Gustave Massé, où commence la prostitution, où finit-elle, personne ne le sait, elle s'étale ici, là, plus loin, ailleurs, partout, du trottoir, elle monte s'afficher aux fenêtres des entresols galants, et sur beaucoup de maisons parisiennes, à côté du numéro, il serait aisé de fixer une pièce de monnaie, d'or ou d'argent, indicatrice du prix d'entrée. Chez les femmes, on voit bien qu'il y a aussi une partie de la question de la misogynie qui traîne. En tout cas, c'est toujours un regard d'homme sur une réalité sociale qui engage essentiellement les femmes. Le client est parfois présent, mais bien souvent les femmes sont représentées seules ou alors en groupe de femmes. Et nous n'avons pas, malgré nos recherches, pu trouver des œuvres dues à des artistes femmes. Donc il faut toujours avoir à l'esprit, en effet, qu'il s'agit d'un regard masculin, un regard qui peut être empathique, documentaire ou totalement fantasmé, ce qui est la plupart du temps le cas, mais en effet un regard masculin. Alors Marie Robert, on s'approche de quelques-unes de ces premières photographies, il y en aura beaucoup d'autres dans cette exposition, et on est dans une collection de photographies qui date plutôt de la fin de la période, en l'occurrence, puisqu'on est aux alentours de 1900, au moment de l'exposition universelle à Paris, et elles sont signées Albert Brichot. Alors oui, Albert Brichot est un photographe spécialisé dans l'éclairage artificiel, et il réalise en 1900, après une série d'ailleurs consacrée à la prison Saint-Lazare, qu'on voit un peu plus loin, il réalise une série d'images sur les maisons closes, les maisons de tolérance, les maisons de passe. Alors on a une première série de photographies qui représentent les façades de ces maisons, et en particulier des maisons de haute tolérance, les maisons de luxe comme le Chabanais. Là, on est plutôt chez Adjé, là, d'une certaine façon. Oui, alors Adjé, à la même époque, réalise aussi des photographies de maisons closes. L'intérêt chez Brichot, c'est que c'est quelque chose de très systématique. Il rédige en parallèle un mémoire, en fait, qui accompagne ses photographies. Et il fait une typologie à la fois des maisons et des femmes qui sont dans ces maisons, les femmes soumises, les femmes encartées, les femmes insoumises. Et donc, à côté, on a trois portraits de groupe, dont deux d'Albert Brichot, dont un ensemble de femmes rue de Londres. On peut constater le luxe du décor et des tenues, et aussi la diversité des corps. Et comme bien souvent dans ces maisons, on proposait aux clients certaines spécialités ou certaines spécificités morphologiques. Et ici, on peut voir dans l'embrasure en fait du rideau une femme noire. Et Marie Robert, alors est-ce que ce sont des mises en scène, c'est posé, c'est retravaillé ? Là, on est plutôt quand même dans une démarche documentaire. Il semblerait que Albert Brichot ait répondu à une commande quand même donc, des services de la police, donc c'est du documentaire orienté. Mais on va voir un peu plus loin que, en fait, au début de la photographie, les images sont mises en scène, puisqu'en fait, on ne peut pas rentrer dans les maisons de spécialité avant la fin du 19e siècle. Pour des raisons à la fois sociales, juridiques, législatives, il est interdit de représenter ce qui se passe dans ces maisons. Et puis, pour des raisons techniques et technologiques, puisque l'appareil est lourd, encombrant, et que les émulsions des plaques photographiques ne sont pas assez sensibles pour pouvoir représenter des intérieurs. Néanmoins, on a insisté depuis le début avec Isolde Plaudermacher sur la question de ce 19e siècle qui représente ces femmes de maison close, de bordel, etc. Et la photographie, elle s'est tout de suite intéressée en tant qu'art nouveau, type de représentation nouveau à cette question, Marie-Robert. Absolument, en fait, avec la naissance de la photographie, donc en 1839, c'est la naissance officielle, naît aussi la pornographie moderne telle qu'on la connaît, et la photographie est le médium le plus à même pour représenter des corps, des sexes, des visages, dans toute leur matérialité, leur concrétude et dans leur réalité. Isolde Plaudermacher, on est dans une section consacrée spécifiquement à la question des maisons closes, mais ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est que la maison close n'est qu'un des aspects de cette prostitution du 19e siècle que vous avez voulu mettre en scène ici au musée d'Orsay. Oui, et d'ailleurs, c'est à l'issue de plusieurs discussions entre les commissaires, nous sommes quatre commissaires, et avec le scénographe Robert Carsen, que l'on s'est dit qu'il était peut-être plus intéressant de commencer par l'ambiguïté et l'espace public que directement par la maison close qui correspond à ce que... Aux fantasmes et aux idées. Voilà, donc on a voulu resituer la maison close dans un grand champ de la prostitution comme étant un des aspects de la prostitution qui correspond vraiment à l'idéal du système réglementariste, mais qui en réalité, on le sait, le nombre des maisons closes décroît considérablement dans la deuxième moitié du siècle et est supplanté par des nouvelles formes de prostitution, en particulier la prostitution clandestine. Et on perçoit bien aussi, même à travers cette section qui porte sur les maisons closes, la diversité aussi des représentations des prostituées dans les maisons closes. Enfin, elles sont par exemple ici photographiées de manière assez figée, en portrait. Parfois, ce sont des femmes à la toilette. Parfois, ce sont des femmes entre elles. Enfin, on voit bien aussi que c'est un espace de, comme on l'a dit, de fantasmes. Et de c'est formes, un lieu de érotique formes et de formes différentes que les artistes ont exploité aussi de manière assez diverse. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le terme de maison close, qui, à ma connaissance, n'apparaît qu'au XXe siècle, recouvre des réalités aussi très différentes, qui vont du bouge à matelot, que l'on illustre avec une gravure de Rops, jusqu'à la maison de haute tolérance, qui comprend des décors extrêmement luxueux. On avance dans cette exposition et on arrive dans une section fort intéressante. Vous avez évoqué cela tout à l'heure brièvement, Isolde Plaudermacher, c'est la question de ces femmes qui attendent. Il y a un particulier ici à très beau Toulouse-Lautrec où on voit des femmes qui sont en train d'attendre dans le salon où un client peut-être viendra les solliciter. Ce sont des pastels de Toulouse-Lautrec. C'est beaucoup d'huile sur carton, en fait. Et Lautrec a en effet représenté ces moments de solitude, ces moments d'attente. L'attente est quelque chose qui est très souvent décrit, notamment dans les romans de prostitution, qui peut s'apparenter aussi bien à de la lassitude qu'à de la paresse, du moins dans les descriptions qu'on en fait à l'époque. Et on voit aussi dans cette salle, dans deux œuvres de Toulouse-Lautrec, des femmes qui jouent aux cartes. Justement, le jeu de cartes était un des moyens pour elles de faire passer le temps. C'était aussi un moyen pour elles de connaître leur avenir, puisque toujours d'après les études de l'époque, on disait les prostituées très superstitieuses, et à travers les cartes, elles pouvaient savoir quel genre de clients elles pouvaient avoir ce jour-là. Mais effectivement, Lautrec est vraiment un peintre très singulier dans cet univers de la prostitution, puisqu'il représente très rarement le client. On a quand même un exemple ici avec la conquête de passage, où on voit un homme en haute forme devant une femme en train d'ajuster son corset ou de retirer son corset. Et on voit que la mise en scène de tous ces préparatifs autour du corps, que ce soit la toilette ou le déshabillage, faisait vraiment partie d'un rituel observable par les clients. Et qui correspond aussi à ce 19e siècle obsédé par l'hygiène et d'autant plus en ce qui concerne les prostituées, parce que nous le verrons aussi un peu plus loin. Il y a évidemment la question des maladies, de la syphilis, milice, voilà. Et le vice en général. Voilà, c'est ça. Mais, et aussi la question des parties du corps qui étaient visibles ou pas visibles. C'est vrai que dans la sexualité bourgeoise, on a notamment dans le roman de Zola, Nana, le comte Muffa, qui, la première fois qu'il voit Nana en train de se déshabiller, n'en revient pas parce qu'il lui-même n'a, dit-il, jamais vu les jarretières de son épouse. Donc c'est vraiment à travers la prostituée, le client accède à une intimité interdite dans sa sphère privée. Alors tous ceux qui habitent par exemple au 26 rue Poissonnière à Paris, au 4 rue de Vintimille ou encore au 8 rue d'Amboise ne savent peut-être pas que dans cet immeuble dans lequel ils habitent aujourd'hui, eh bien juste au-dessus, eh bien opérait Madame Leblanc qui avait des massages diplômés hygiéniques russes et suédois, ou encore une certaine Marie-Louise rue de Vintimille, ou encore chez Nini, curiosité, danse antique. Au 8 rue d'Amboise, vous avez rassemblé ici, grâce à un collectionneur, les archives des roses, vous avez rassemblé des cartes de visite liées justement à cette activité de la prostitution, prostitution en ville et non pas en maison close, en l'occurrence Marie-Robert. Oui, manifestement, c'était donc des femmes qui proposaient leurs services à domicile dans leur garni et qui exprimaient donc sur leur carte de visite les spécialités dont elles étaient fières. Et puis alors, il y a certains aspects en droit qui sont interdits au moins de 18 ans dans cette exposition. Vous pouvez nous en dire un mot ? Il y a deux cabinets, en effet, réservés aux majeurs, puisqu'ils présentent un certain nombre de photographies et d'extraits de films qui montrent des scènes sexuelles, probablement réalisées de façon clandestine par les opérateurs d'images pour tout public, mais qui profitaient du matériel mis à disposition, des décors, des studios, pour tourner des scènes plus explicites. Dans un siècle de l'histoire de l'art qui voit naître la notion d'auteur de façon majeure, ce sont les seules œuvres que vous présentez qui soient totalement anonymes, en l'occurrence Marie-Robert. En effet, ils n'assumaient pas à cette époque, pour des raisons que l'on peut comprendre, hein, la peine de prison et l'amende étaient possibles, ils n'acceptaient pas de révéler leur identité. C'est vrai. Alors il faut peut-être justement expliciter un peu plus l'entrée de la prostituée aussi dans l'atelier de ces photographes et la prostituée comme modèle, enfin c'est un peu le même personnage, hein, puisqu'il n'y a pas professionnalisation en fait du modèle. La prostituée est la seule personne qui accepte de poser pour le photographe dans l'atelier, oui, du photographe. Voilà, donc la première partie de ce cabinet montre en fait la matérialité de l'interconnexion entre le monde de la prostitution et le monde de la photographie obscène, puisqu'un très grand nombre donc de modèles féminins qui posaient pour les images pornographiques étaient des prostituées, soit des filles déclarées, des filles soumises, soit des femmes qui avaient pour métier la blanchisserie, le commerce, des petits métiers en fait qui ne permettaient pas pour ces femmes de survivre suffisamment. Donc elles se prêtaient à ces jeux visuels, photographiques. Voilà, et on a un registre qui provient des archives de la préfecture de police qui montre très bien justement cette interconnexion entre ces deux univers. Et donc elles circulent, ces photos ? Dans un premier temps, ce qui est produit, c'est les images sur daguerreotype, qui est un objet très luxueux, complexe dans sa production, unique, donc réservé plutôt à une clientèle masculine fortunée, amatrice d'art, mais aussi d'images plus licencieuses. Et puis dans un second temps, en fait, dans les années 1850, avec l'apparition d'une nouvelle technique, celle du tirage sur papier, albuminé, eh bien ces images vont être diffusées de façon massive et pour des coûts beaucoup moindres. Et à cet intérêt d'une image peu coûteuse se rajoute le fait que ces images peuvent être souvent consultées dans des appareils stéréoscopiques qui permettent une vision en relief, en fait, et donc qui permettent d'appréhender encore plus le vivant. Voilà, le vivant, et donc toute sa profondeur. Voilà, tout l'avantage aussi de la photo, c'est ça, c'est qu'on a un aspect de réalité, même si on peut discuter, oui, sur cette question de la réalité de la photographie. Alors voilà, c'est ce qui sidère les contemporains de ces nouvelles images, c'est cet effet de réalité inédit, tout en gardant bien à l'esprit que tout cela est une mise en scène et qu'évidemment, comme je vous l'expliquais, ces images ne sont pas à cette époque réalisées dans la maison de tolérance, mais dans le studio du photographe. Donc qui reconstitue un acte sexuel, des polkas, comme on disait à l'époque. Et souvent, donc les poses sont très figées, très théâtralisées, évidemment, hein, puisqu'il faut tenir face à l'objectif quelques secondes. Et puis on se met face à l'objectif, donc dans des positions un peu inconfortables, acrobatiques. Mais cela tient aussi à une sorte de popularisation de ces images qui passent sous le manteau à la fin du 19e siècle. On sait que les expositions universelles, par exemple, qui drainent des millions de spectateurs à Paris, servent aussi à cela, c'est-à-dire à faire circuler sous le manteau cette impression de liberté sexuelle aussi qui est le propre de l'image de Paris à l'étranger. J'imagine qu'il y a toute cette dimension-là qui est aussi utilisée par ces revendeurs, ces photographes, ces modèles et tous ceux qui passent dans la chaîne, pourrait-on dire, de la fabrication de ces images érotiques et pornographiques, Marie-Robert. Oui, tout à fait. On est vraiment là dans une industrie de l'image pornographique qui naît au milieu du 19e siècle, qui va se développer très rapidement tout au long du siècle ensuite. Alors on va avancer dans cette exposition ici au musée d'Orsay, Splendeur et Misère, passer à côté de ces cabines qui sont interdites aux personnes de moins de 18 ans et rejoindre donc une autre salle qui nous plonge dans une autre raison pour laquelle les peintres s'intéressent à ces prostituées, c'est qu'ils disent quelque chose qui est d'une certaine façon invisible aux yeux des autres, l'intime des femmes. On les voit à la toilette, on les voit en train de s'habiller, deux femmes ensemble, un magnifique Joseph Ripironaille. On tout les voit ça, aussi entre elles, il y a la question évidemment de l'homosexualité, voilà. Fantasmée et, ou réelle. Des voilà, et tout cela, ça participe aussi de la volonté de représentation. Dans cette salle, nous avons voulu consacrer donc toute une salle à l'intimité sous différentes formes. Il y a d'abord la toilette qui renvoie aux soins apportés au corps, notamment parce qu'on croyait alors à l'époque qu'une hygiène quotidienne permettait de prévenir contre les maladies vénériennes et la syphilis. Nous avons même une aquarelle assez étonnante de Félicien Rops montrant la douche périnéale, donc quelque chose d'un peu satirique, mais qui renvoie mais quand même à... On sait le caractère ironique que peut avoir chez Félicien Rops ce type de représentation aussi. Voilà, exactement. On voit les femmes, effectivement, de valoton à leur toilette, qui se préparent à l'arrivée du client. C'était des moments de sociabilité, on entendait les femmes qui s'amusaient entre elles... au moment de cette toilette. Et nous avons en effet un mur consacré aux femmes entre elles et à l'évocation des relations homosexuelles qu'on appelait alors les tribades et qui faisaient l'objet là encore de beaucoup de fantasmes. Donc effectivement, c'est les tableaux de Lautrec que nous voyons ici montrent des femmes qui ont des relations tendres et souvent l'une des protagonistes est rousse. La femme rousse est souvent associée à ce monde de la prostitution. Alors juste derrière, évidemment, il y a le paiement, pourrait-on dire, symbolique que l'on donne à ces femmes prostituées, toute une salle consacrée à cette condamnation hygiéniste, cette condamnation morale, pourrait-on dire, de cette activité prostitutionnelle, avec à la fois des registres policiers et puis des photographies. Marie-Robert, qui représentent quoi ces photographies ? Alors, il y a une première série de photographies, toujours du même Albert Brichot, qui représente l'intérieur de la prison Saint-Lazare, la seule prison pour femmes de Paris. D'un côté, les femmes de droit commun et de l'autre, les prostituées. Et accolée à cette prison, donc une infirmerie dispensaire où étaient soignées les prostituées pendant de longues semaines, voire mois. Et c'était un lieu à la fois de soins... relativement contesté pour son efficacité, en fait, et pour son hygiène, et en fait un lieu d'emprisonnement. Donc on peut voir à la fois le parloir, le dortoir, les salles de travail de ces femmes, et puis aussi un des cabinets de gynécologie qui était réputé pour la violence, en fait, symbolique et physique qui s'y faisait. Les spéculums, en particulier, étaient souvent mal... nettoyer, c'était un lieu aussi de contagion, paradoxalement. Donc il y a une critique sociale de dans ces de photographies, enfin, je ne crois pas en tout cas, puisque enfin, c'est... Peut-être pas dans les photographies, mais je vois par exemple là, vous citez le professeur Garnier qui critique le fait qu'on emprisonne les prostituées, que la solution n'est pas là en fait, hein, pour rendre la société plus morale ou plus... Le système réglementariste connaît des limites et qui est de plus en plus contesté, notamment à la fin du siècle, avec la voix des abolitionnistes, portée notamment par Yves Guyot. Et en effet, ce système d'enfermement et de contrôle se révèle être une utopie. système d'enfermement et de contrôle qui est doublé par un système médicalisé. Vous avez évoqué, Marie-Robert, la question des spéculums tout à l'heure, mais on voit ici évidemment ces fameuses cires médicales qu'on a déjà eu l'occasion de voir à plusieurs reprises. On les trouve souvent à Saint-Louis, par exemple, qui était spécialisé dans la syphilis et l'étude de la syphilis. Donc des cires médicales qui représentent de façon la plus réaliste possible les effets de la syphilis sur le visage d'une jeune femme, en l'occurrence Isole Ploutin-Maher. Oui, en effet, nous avons choisi un visage et une main. Nous aurions pu choisir des images bien plus violentes. Mais ce qui nous a intéressé dans ce visage, notamment, c'est l'ambivalence qu'il y avait entre la beauté de la jeune femme que l'on devine derrière les premières atteintes du mal. Et surtout, donc à l'origine, ce sont effectivement des cires médicales destinées aux étudiants en médecine. Mais cette tête a appartenu à la collection de celui qui se faisait appeler le docteur Spitzner et qui possédait en fait une baraque foraine dans laquelle il avait rassemblé plusieurs de ses cires anatomiques. Et l'accès à ces baraques était réservé uniquement à un public masculin, notamment des militaires. Et le but était donc de mettre en garde les hommes contre les dangers du péril vénérien. Et on voit bien dans cette représentation ce mélange de fascination et de répulsion que peuvent générer ce genre de représentation. Oui, parce que ces cires médicales sont façonnées par des gens qui sont aussi des artistes et qui peut-être, d'une certaine façon, reprennent le même type de modèle. Il pourrait, le même sculpteur sur cire peut, à côté, peut-être faire un bronze, faire une autre figure féminine. Et effectivement, on voit là la contagion des formes entre une forme qui se veut encyclopédique et médicale d'un côté, et de l'autre côté, des formes qui sont des formes de représentation artistique. Tout à fait. D'ailleurs, un peu plus loin dans l'exposition, dans la section consacrée à l'allégorie, il y a une tête en cire de Ringel d'Ilzac qui s'appelle Perversité. Et c'est intéressant, en effet, de voir que le même médium, la cire, est employée, mais dans une œuvre artistique. Mais les parentés entre ce monde scientifique et médical et le monde artistique sont très intéressantes à étudier. Bien à travers cette exposition l'idée que c'est les prostituées, les prostitutions. Il n'y a vraiment pas, on ne peut pas parler de la prostitution, Isole Ploutin-Maher. Oui, prostitution au pluriel, et d'ailleurs dans le prolongement de l'exposition, puisque le sujet était très riche et complexe, nous avons souhaité poursuivre la réflexion, notamment à travers la publication d'une revue faisant appel à une vingtaine de spécialistes issus de la sociologie, de l'histoire, histoire de l'art et psychanalyse et autres. Et le titre de cette publication est « Prostitution au pluriel », justement, des représentations aveuglantes. Et là, on se retrouve face à des sortes de petites cartes postales, Marie-Robert, qui m'ont intrigué. Ce sont des cartes postales photographiques. On dirait des cartes postales, ce sont des sortes de petites cartes que l'on pouvait donner, l'équivalent des cartes de visite qu'on a vues tout à l'heure, mais en photographie, c'est ça? Absolument, voilà, on les appelle des cartes de visite ou des portraits-cartes. Donc c'est un procédé qui est inventé dans les années 1850 par un photographe, Eugène Disdéry, qui consiste en fait à coller sur la carte de visite une photographie au petit format 6 cm par 9. Et évidemment, les courtisanes, les demi-mondaines, les cocottes s'emballent en fait pour ce procédé qui leur permet de faire circuler leur effigie, qui leur permet de faire leur propre promotion. Ces images étant ensuite collectionnées avidement par les jeunes hommes et les plus âgés d'ailleurs, qui se les échangent et qui créent en quelque sorte des albums imaginaires de femmes qu'ils possèdent virtuellement. Ce qui est assez formidable, c'est que quand on voit ces photos et quand on voit par exemple la collection de photographies absolument obsessionnelle qu'a faite d'elle-même d'autoportrait la Castiglione, on se dit il y a tellement de différences entre les unes et les autres. Est-ce qu'il y a une contagion des formes, justement, là aussi, entre ces photos de demi-mondaines prises dans des cabinet de photographe. Et puis, la Castiglione se voyant vieillir et se représentant elle-même derrière un masque ou un loup, oui, dans des postures qui sont assez proches de celle-ci. Alors, c'est vrai qu'il y a une contagion des formes et des motifs. En même temps, ici, on est dans la photographie d'atelier commercial et donc dans des poses relativement stéréotypées. Quoique, ces femmes de petite vertu étaient les seules à se permettre, en fait, des poses et des postures relativement peu convenantes. C'est-à-dire qu'elles montrent volontiers le bout de leurs pieds ou de leurs mollets, elles ouvrent, elles écartent les jambes, elles les croisent, elles s'assoient à califorchon sur un tabouret, elles montrent leur poitrine plus qu'il ne le faudrait, elles ont des sourires aguicheurs, des regards très francs. Tout cela sont des codes qui permettent évidemment aux connaisseurs de reconnaître ces femmes publiques. Séverine. Et juste parce qu'on est dans ce couloir, Marie-Robert, juste avant, c'est l'ancêtre du roman photo. Alors c'est une série raccourcie en fait, réalisée par un photographe qui s'appelle Duparc et qui était spécialisé dans ce type de production. Donc des histoires qui se déroulent sur un certain nombre de clichés, bien souvent qui sont des prétextes aussi à des déshabillages des femmes représentées. Et ici, il s'agit donc d'une jeune grisette qui s'endort, sur le chevet de laquelle viennent quelques fées. Et elle se réveille entourée donc, dans un nouveau décor. Elle est dans une maison de luxe. Elle a des domestiques, de nouvelles robes et elle attend un client. Mais malheureusement, tout cela n'est qu'un rêve. Et on voit qu'à la fin, elle se réveille dans son sordide taudis, désespérée. Donc il y a quand même cette idée que être prostituée, être dans une maison, avoir des clients, c'est parvenir, c'est réussir. Isolde Plüdermacher. Oui, alors le statut de courtisane était bien souvent celui vers lequel lorgnaient la plupart des, notamment des jeunes actrices ou des jeunes chanteuses qui faisaient leur début sur les planches. Et c'était un moyen de parvenir à une certaine indépendance et un statut social élevé. Et ce rêve de grisette montre en effet comment l'attirance pour ce monde-là a pu jouer dans certains mécanismes de la prostitution. Alors, une des questions qu'on vous posait tout à l'heure, Isolde Plüdermacher, c'était à quoi sert la figure de la prostituée pour les artistes du 19e siècle? Elle sert aussi à faire scandale, elle sert aussi, cette figure de la prostituée, à dire autre chose, et dans le domaine propre de l'art, à dire il faut peut-être passer par-dessus bord toutes ces représentations mythologiques anciennes, toutes ces façons de prendre prétexte de Vénus ou d'une déesse de l'Antiquité pour pouvoir représenter une femme nue, et peut-être y aller de façon plus frontale. Derrière nous, on a la magnifique Olympia de Manet, ici de Paul Baudry, La Perle et la Vague. Il faut bien comprendre, quand on regarde cette Perle et la Vague, ce que ça signifie, parce qu'on pourrait croire là aussi à une sorte de conte mythologique antique, et c'est bien autre chose, dites-vous. Oui, alors effectivement, le tableau de Baudry qui a été présenté au salon de 1863, l'année même où Olympia a été peinte, ne s'appelle pas Vénus précisément, mais La Perle et la Vague. Il fait référence à une lointaine fable persane, mais on reconnaît les attributs traditionnels de Vénus, à savoir une femme nue avec des coquillages et les flots qui l'entourent. Donc Baudry était un artiste officiel et célébré par le régime impérial. Cette toile a connu un succès critique, mais néanmoins, certains critiques ont relevé le côté moderne, l'attrait agaçant de cette figure, notamment à travers son regard et son sourire. Aguicheur, voilà. Elle regarde directement le spectateur. Mais c'est Proudhon, le philosophe, qui a sans doute les mots les plus cruels envers cette peinture. En commentant cette peinture de Baudry, il parle de prostitution dans l'art. Et pour lui, se prostituer en art signifie être complaisant envers le public en cherchant à lui plaire. Et pour lui, cette peinture est profondément immorale puisqu'elle ne renvoie précisément à aucune morale. Et il dit même que pour bien faire, il aurait fallu lui mettre un chancre à l'anus. Oui, c'est effectivement un jugement moral assez radical de la part de Proudhon. Nous passons donc devant la magnifique Olympia de Manet et son petit chat noir qui a une signification particulière. Séverine ? Alors peut-être, si on poursuit ce parcours dans l'exposition, c'est un petit peu comment représenter l'irreprésentable, comment s'autoriser à représenter une figure rejetée par la société. Alors c'est en la représentant, par exemple, à travers un milieu, un espace, un pays qui est autre, qui n'est pas celui de la France au XIXe siècle, par exemple, Isolde Poudermacher. Oui, effectivement, la représentation de la prostitution au XIXe siècle, elle peut être acceptable sous plusieurs conditions. Ça peut être soit dans des images moralisantes, on va dire, ou dans la caricature, mais aussi par le biais de détours spatio-temporels, et notamment à travers le recours aux figures de l'Antiquité, telles Phrynée ou les grandes courtisanes de Corinthe, les prostituées sacrées. On le voit notamment avec la sculpture de Jérôme. L'Orient peut également aussi être convoqué. Donc, en tout cas, l'ailleurs et le lointain sont des biais qui permettent aux artistes de représenter sous des dehors convenables les fantasmes liés à la prostitution. Mais avant d'arriver au terme de cette exposition, il faudrait s'arrêter sur cette salle qui donne des représentations extrêmement moralisantes, pourrait-on dire, même négatives et misogynes, pourrait-on dire, de ces prostituées. Ce tableau de Mossa, Gustave Adolphe Mossa, qui s'appelle « Elle », tout simplement, qui représente une femme. Vous pouvez nous la décrire, Isolde Poudermacher ? Alors, on voit une femme nue qui porte des bijoux et une grande auréole sertie de corbeaux noirs avec des crânes au-dessus de la tête. Et elle est assise sur un monceau de corps masculin ensanglanté. On voit d'ailleurs des détails assez amusants comme l'empreinte des mains de ces hommes qui figurent sur ses cuisses. Et un petit chat, une résurgence du chat d'Olympia entre ses bras, une poitrine très opulente et un regard direct et froid. On a vraiment l'impression d'être face à une idole puissante et cruelle. On est vraiment face à la femme fatale au sens littéral. Et ce titre, elle, montre bien qu'à la fin du siècle, dans l'imaginaire de cette fin de siècle décadente, l'image de la femme se confond avec celle de la prostituée. C'est celle aussi qu'on peut trouver, les Salomé, par exemple, fin de siècle, ont quelque chose à voir avec ce type de figure portant la mort avec elle et condamnant les hommes. Oui, tout à fait. Tout cela fait partie d'un même imaginaire symboliste que nous avons voulu rassembler dans cette section consacrée à l'imaginaire de la prostitution à travers à la fois la littérature et la peinture allégorique. Et puis, on peut dire que le Félicien Rops, qui s'appelle Pornocrates, qui est derrière nous, surnommé la Dame au cochon, nous dit bien aussi qu'il n'y a pas que la condamnation de la prostitution, mais peut-être aussi de leurs clients, en l'occurrence. Est-ce qu'il y a cela dans le Félicien Rops que l'on a sous les yeux, puisque c'est une femme nue, avec des bas qui montent à mi-cuisse, et elle traîne un cochon en laisse? Oui, le cochon est très souvent associé dans les images satiriques de l'époque à l'homme et aux clients masculins. Donc on le voit dans une autre illustration du Gil Blas illustré. Et en effet, cette femme aux yeux bandés suit ce cochon. Et elle a Rops représente rarement des femmes entièrement nues. Il ajoute les bas, des éléments de déshabillé. Il invente ce qu'il appelle le demi-nu moderne. Et il érotise aussi ses représentations de cette manière. Et puisque vous parlez de modernité, on va rejoindre la dernière section de cette exposition. Mais avant d'entrer dans cette dernière salle et les tableaux de Picasso ou de Kupka, on entre avec vous dans un petit cabinet, Marie Robert, là aussi interdit aux moins de 18 ans. Qu'est-ce qu'il nous dit, et en particulier par exemple de ce grand auteur érotique qu'est Pierre Louis ? Il nous dit qu'à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, quand les appareils photographiques deviennent plus maniables, plus portables, plus légers, que les émulsions sont plus sensibles à la lumière, et bien qu'un certain nombre d'artistes, pas des photographes, mais des écrivains, des sculpteurs, des peintres, s'emparent de ce médium pour eux aussi explorer le corps féminin, la sexualité féminine, leur propre sexualité, en effet, comme c'est le cas avec Pierre Louis, qui réalise des centaines de clichés pour son propre plaisir. Et donc là, on a un ensemble de photographies réalisées par Pierre Louis, très probablement, dans un intérieur avec une partenaire prostituée. Parce que dans ce siècle, à l'apogée de la pudeur, eh bien, ce sont les seules femmes, en fait, qui sont susceptibles de se prêter à ce type de jeu physique, visuel, plastique. Il y a aussi dans ce cabinet d'amateurs vraiment des photos aussi un peu amateurs. Et on le voit à la fois dans la mise en scène, dans la prise évidemment photographique, parfois un peu floutée, un peu maladroite. Mais en tous les cas, l'amateur lui aussi peut se constituer un petit catalogue pornographique. Voilà, tout à fait. L'amateur client en fait de ces maisons de spécialité est en mesure à ce moment-là de réaliser lui-même des photographies et la prise de vue. Et probablement un prolongement du plaisir sexuel. Est-ce qu'on peut déjà déterminer à cette époque-là une sorte de catalogue de positions, de formes, etc., qui nourriront l'imaginaire pornographique du XXe siècle qui succédera? Ou est-ce que pour l'instant on est encore une sorte, sans faire de mauvais jeu de mots, de tâtonnement de cet art photographique à l'intérieur de ces maisons closes ou à l'intérieur de ces maisons privées où le photographe est aussi l'acteur d'une certaine façon? Oui, le photographe est l'acteur et on a quelques images d'ailleurs où il apparaît dans un miroir ou au bord du cadre. Mais là, on est quand même dans une photographie amateur, presque le même type d'iconographie qu'une photographie de famille. Comme vous l'avez dit, elles sont mal cadrées, elles sont parfois floues, elles sont mal tirées. Je pense qu'on est encore dans les tâtonnements de la représentation pornographique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a très peu de gros plans, en fait. On n'est pas dans la pornographie des années 30 et encore plus des années 50, où les organes sont omniprésents et sont l'objet même de la photographie. Ici, on est encore dans la représentation de corps et d'individus. Et on fait le rapport entre cet art photographique amateur, pourrait-on dire, et ce que l'on va voir tout de suite en sortant dans la dernière salle, cette modernité tapageuse des peintres au début de siècle, ou est-ce qu'on est dans deux univers de représentation très divers et très différents, Marie-Robert? Je crois qu'on reste encore dans des univers différents, même si on retrouve des motifs, des poses, des postures d'un champ à l'autre. Parce que ici, on a des visages finalement qui ont une vraie réalité, une vraie histoire, malgré l'anonymat de ces femmes et des hommes qui sont derrière l'objectif. Alors donc, ce n'est pas la même chose, puisque de toute façon, ce sont des œuvres ou des photographies qui ont pour destin de rester dans la clandestinité et qui n'ont pas pour destin de sortir. Elles sont sorties, mais elles auraient dû être détruites d'une certaine façon. Oui, oui, oui. Alors, ce sont des tirages uniques, bien évidemment, donc très rares. Et la plupart d'entre eux ont certainement été détruits, soit par les opérateurs eux-mêmes, soit par leurs familles et leurs descendants qui devaient être gênés de retrouver ces images. Alors, on va ressortir avec vous, Marie-Robert, en compagnie d'Isolde Ploudermacher et de Séverine Yattard, pour la dernière salle avec les Picasso en particulier, qui sont nombreux pour clore cette exposition. Moi, j'avais remarqué cet Auguste Chabot qui nous montre des hôtels aux devantures criardes à côté d'un diptyque représentant des grands nus aux bottines. Là, il y a quelque chose de neuf aussi dans cette représentation-là, juste avant la guerre de 14, Isolde Ploudermacher. Oui, chez les fauves en particulier, on a en effet une représentation tout à fait nouvelle du nu prostitutionnel et surtout le maquillage qui est très présent, qui permet aux artistes, maquillage qui était comparé notamment par Baudelaire à de la peinture de visage, qui permet aux artistes toutes les audaces en matière de couleurs et de représentation. Puis évidemment, dernier tableau de cette exposition, eh bien une sorte de préfiguration des Demoiselles d'Avignon par Picasso, et en face, une énigme qui reste une énigme pour vous aussi, Isolde Ploudermacher, c'est le tableau de František Kupka. Ça s'appelle l'archaïque. Ça s'appelle l'archaïque, en effet. On voit une femme sur le pavé parisien de profil, une autre femme à l'arrière-plan. Cette femme est très maquillée, porte des bijoux et elle a une allure, somme toute, assez masculine. Et finalement, ce titre archaïque est assez étonnant puisque, effectivement, nous sommes en pleine ouverture sur la modernité. On peut se demander à quoi renvoie le titre d'archaïque. Bien, c'est sur cette question que nous terminerons. Merci à vous, Isolde Ploudermacher, et à vous, Marie-Robert, de nous avoir accompagnés dans cette visite d'exposition avec Séverine Yattard, qui a été à mes côtés et qui sera avec nous pour le dernier volet de cette semaine qu'elle a préparé avec nous de la Fabrique de l'Histoire sur la prostitution au XIXe siècle. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marseille. Georges Thau était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Et merci également au Musée d'Orsay qui nous a accueillis en ces murs. comme à l'habitude, vous pouvez bien entendu télécharger cette émission pendant un an et vous pouvez également l'écouter sur notre site pendant 3 ans. Si vous voulez réagir à cette émission, n'hésitez pas à aller sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire ou encore sur nos pages franceculture.fr. Demain, nous continuons et terminons cette semaine consacrée à la prostitution au XIXe siècle en nous intéressant à tous les opposants à cette prostitution au XIXe siècle.